Section 52 de La lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Johann. La lecture, tome 2e. Section 52. Le manteau déchiré, conte de Noël, par Maxime Ducamp de l'Académie française. Chapitre 5. Jacques marchait sur la route. Nul être humain n'apparaissait dans la campagne. Tout était morne et désolé. La neige tombait et semblait glisser horizontalement, tant le vent du nord la chassait avec violence. Sur la plus haute branche d'un peuplier, couvert de givre, un corbeau croassait. Parfois, le petit Jacques s'arrêtait pour enlever, d'un coup sec du talon, la neige qui s'accumulait et se durcissait sous ses sabots. Il n'avait pas froid, mais sa roulière lui semblait lourde. Il allait, avec courage, car c'était un bon petit gars, qui avait le cœur droit et la volonté ferme. Il avait déjà bien fait du chemin, et il était sur le point d'atteindre les premières ondulations de la montagne, là où la forêt commence, lorsqu'il s'arrêta, pétrifié. En apercevant le garde champêtre qui, le bonnet de coton sous le tricorne, le sabre au côté, la plaque de la loi sur le baudrier, la pipe à la bouche, apparut tout à coup au détour de la route. C'était un homme redouté que le père Mouache, qui, avant d'être garde champêtre, avait été sapeur dans un régiment de grenadiers, et qui avait si souvent parlé de son hache aux paysans émerveillés de ses récits que le surnom lui en était resté. Il était la terreur des gamins du village. Lorsqu'il les surprenait volant des pommes, secouant les pruniers, gaulant les noix, il les saisissait par l'oreille. Il maugrait contre ces méchants conscrits et les conduisait chez M. le maire qui condamnait les délinquants à une fessée paternelle. Jacques resta donc interloqué quand il se trouva face à face avec cet impitoyable représentant de l'autorité. « Où donc vas-tu, mon Jacquet ?»« Par ce temps du diable. » Jacques tenta d'imaginer quelque prétexte pour expliquer sa course à travers la neige, mais il se souvint qu'autrefois son père lui avait dit « Il ne faut jamais mentir ». Et quoique le cœur lui battît bien fort, il répondit « Je vais à la montagne, père Mouache, pour équérir du bois mort, parce qu'il n'y en a plus dans l'âtre, parce que la mère est malade et qu'elle a froid ». Le garde champêtre lâcha un juron qu'il eût mieux fait de retenir. Sa moustache trembla, il dit, en se frottant les paupières « C'est drôle, comme la bise pique les yeux ». Puis, regardant le petit Jacques, avec une expression qui n'était point sévère, il ajouta « Ah, mon Jacquet, tu vas à la montagne, alors nous ne ferons point route ensemble, car je vais dans la plaine. Je ne te rencontrerai donc pas. Mais vers la nuitée, quand tu reviendras, si je te rencontre, bien sûr que je fermerai un œil et que je me boucherai l'autre. J'étais l'ami de Grand-Pierre, qui était un homme brave et point malfaisant. Ça m'est un deuil de savoir que sa veuve est dans la peine. » Aujourd'hui, à cause de Noël, on a mis à la maison un morceau de petit salé dans la marmite. N'aie pas crainte, j'irai chez la Marguerite et je lui emporterai sa part. C'est un mauvais temps à passer, mon Jacquet. J'en ai vu d'autres que ça quand je portais mon hache à la tête du régiment. Bon courage et motus. Si jamais tu répètes ce que je viens de te dire, je te tirerai les oreilles. » Le brave homme s'éloigna en haussant les épaules avec un geste où il y avait du dépit et de la résignation. Il n'avait pas fait 10 pas qu'il s'arrêta et cria « Hé, mon Jacquet, va dans les taillis de la prévôté, c'est encore là que tu trouveras le plus de bois mort. » Fin de la section 52.